société Emmerdon Gérard, bonjour. Oui, c'est la société Emmerdon Gérard. Oui, tout à fait. Bonjour. Que désirez-vous? Désactiver le tatou, le numéro du portable, l'adresse de Gérard? Alors, je voulais savoir, ça me coûte combien? C'est gratuit, pareil? Non, c'est 100 francs pour l'adresse de Gérard. Ouais. 200 francs pour le code secret pour écouter le tatou. Mm-hmm. Et si vous désirez que nous désactivions le tatou, enfin le tatou, oui, et que nous vous... que nous vous le mettions à votre nom, ça vous coûtera 250 francs, monsieur. D'accord. Je voulais savoir si il y avait de l'argent qui a été reversé à Gérard. Ah non, aucun. D'accord, donc... Sophie, elle va connaître. Essaye de savoir si c'est... Okay, d'accord. Monsieur oui. Excusez-moi, oui. Moment, je crois que vous avez du monde derrière vous. Non, c'est des amis à moi qui sont très intéressés. Qui c'est des amis qui m'ont appris à écouter Gérard, et donc je suis devenu fan de Gérard. Ah oui, oui. Donc, voilà. Numéro du portable de Sandy aussi, si vous voulez. Non, mais j'aimerais bien le numéro de tatou, c'est possible. 0657 82 21 80. Pardon. D'accord. On a cru mal entendre. Ah, vous avez la cassette des expressions de GG, alors c'est pas la peine. Non, mais j'ai cru mal entendre là, parce que j'ai cru mal entendre un numéro de téléphone. Alors ça, c'est effectivement un de mes CD, c'est vrai. C'est un de vos CD, monsieur. Ouais, ah oui, vous l'avez CD. Apparemment. Donc ouais. Celui-là, nous vous l'aurions fait à 100 francs. Très bien. Francs. Ouais. Vous me dites combien c'est pour 100 francs, je peux avoir le numéro de... Le 0685, et je peux pas vous le donner là. Oui, d'accord, ok. Oui, mais c'est bien. Oui. 36. Je vous passe un de mes copains qui connaît bien Gérard. Oui. Oui. Allô, 97, bonjour. Oui, 92, 999, bonsoir. Ah oui, 999, oui, bonjour. Oui, bonjour, donc ça vous amuse là? Qui êtes-vous, monsieur? 999, Cosmos. Cosmos? Mmh. Ah, oh, merde, c'est lui. Oui, bonjour. Ouais, je crois que vous avez fait un faux numéro, monsieur. Ouais, c'est ça. Merde, les mecs. Ouais, les mecs, c'est ça, vas-y, continue. Mais t'inquiète pas, mon pote, là. Les gars, vite ranger les numéros, vite. Ouais, non, mais ça y est, c'est oui, bon. Oui. Donc non, non, mais ça y est. Merde. Ouais, non, mais oh, c'est non, bon. Désolé, pardon, monsieur. Ah, non, mais c'est bon, t'es dedans, hein. T'es dans la boîte. Dans la boîte à caca? Ouais, t'es dans la boîte à caca, là, malheureusement. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Bon, je vais te dire. Oui. Ben moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. J'ai rien fait. Non, t'as rien fait. Ben, pleure bien dans ton coin, parce que maintenant qu'on a ton numéro, t'inquiète pas que y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton matricule. C'est qui? À ton avis? Sandy. Sandy, elle va s'occuper de ton matricule si tu continues à l'appeler, ouais. Mais j'ai rien fait, Gérard. Non, t'as rien fait. C'est pour ça que pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée? Mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est ton frère. Non, c'est ma sœur qui balbeure entre les cuisses d'un catcheur. Ouais, et la mienne est en train de lécher le bâton. Ouais, voilà. Hein? Non, mais marre-toi maintenant qu'on a ton numéro de téléphone maintenant. Alors maintenant, tu vas faire une chose. Oui. On attend toujours ta lettre, au fait. Bah oui, mais apparemment tu l'as jeté, hein. Je t'ai appelé sur ton portable et tu m'as dit d'aller me faire foutre, que tu l'avais mise à la poubelle. Bon, attends, mais j'ai reçu ta lettre quand? Tu l'as reçue... Ouais, mais si vous envoyez du courrier qui est posté de n'importe où... Bah, je l'ai posté de Versailles. Oui, c'est ça. Tu crois que je vais te croire aussi, là? Et tes genoux, ils sont opérés depuis quand? Ouais, et ta sœur, elle se fait opérer quand de la gueule? Et toi, tu te fais opérer quand de tes conneries? Ah, merde. Ah, bah non. Tu m'as cassé, bonne nuit, GG. Ouais, bah bonne nuit à toi. Ouais, il a raccroché, il a été très vexé. On a Freddy vite fait 20 ans de Nantes. Il est content, le GG, il est en forme ce soir.